Les piétons qui traversent la chaussée sont prioritaires s'ils traversent de manière régulière. Dans la situation 2, il n'y a pas de problème, le piéton veut traverser, et si la voiture rouge ne s'arrête pas, elle va l'écraser. La voiture doit s'arrêter. La situation 1 est un peu plus difficile, car le piéton est de l'autre côté de la rue. On pourrait être tenté de ne pas le laisser passer, mais il risque d'être bloqué au milieu de la rue alors qu'il n'y a pas de terre-plein central pour le protéger. Si une voiture ou un camion arrivait, ce piéton se retrouverait dans une situation inconfortable. Le conducteur de la voiture doit laisser passer le piéton dans les deux situations. Réponse A et C.